suffocation in some stupid little town. A black killer Salut à tous et toutes, la tribu, bienvenue dans la 125e Vampire Freaks. Chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Et oui, la tribu, salut à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Au programme cette semaine, des nouveautés, du culte, des très bonnes exclusivités aussi. Je tenais à vous remercier pour tous vos bons retours pour l'émission de la semaine dernière, ça me touche énormément. On commencera tout de suite avec The Lost Battalion de Sabaton. C'est sur l'album de Last Stand, leur 8e album sorti le 19 août 2016. On retrouve Last Dying Breath, Winged Hussard et Camouflage. On continuera ensuite avec Nicht Is For Immer, le nouveau Stomper 98. C'est sur l'album Alter Gebrat, sorti le 30 mars 2018. On retrouve Skinhead, Kainelden et Fright. Allez sur la page Facebook de Stomper 98 et ils sont aussi sur toutes les plateformes numériques. On continuera ensuite avec Rod Stater de Cypress Hill. C'est sur l'album Cypress Hill 4, sorti le 6 octobre 1998. On retrouve Checkmate, From the Window of My Room et I Tame. On écoutera ensuite Je suis un vaurien des Fatal Picard, c'est sur l'album Droit de Veto, sorti en avril 2003. On retrouve Schizophrène, Tu vas dans le mur, avec un H et Chaspèche et Bitureux. Et on finira ce bloc en live, avec Back to My Roots de Steel Pulse. C'est sur l'album Vex, sorti le 27 septembre 1994. On retrouve Island Unite, New World Order et In My Life, du son classique. Strong and the legend still lives on. understand all the officers in the Central Division have been ordered to wear their helmets and basically to get into riot gear. Okay, we have trouble breaking out here right now. Tensions are building. The police have just wrestled a couple of people to the ground. Police and riot gear. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Vampire Freaks, ça arrache ce moment de partage avec vous, mes amis, est magique. Plein de grands classiques, très bons sons maison. Vampire Freaks, ça arrache. Je brûle un mauvais départ dans la vie. Je suis né à Roubaix. Il faut s'écrire. J'étais de l'autre côté des grillages de la bourgeoisie. Mais j'ai très vite été le sein de l'anarchie. J'suis un vaurien, ce qui n'est de rien. méchanceté. Un jour j'ai trouvé une arme dans une bagnole. Je me suis dit mec, ex-ex-ex-pistole. Qui me dira quoi? Comment que c'est que ça marche? Moi j'entrave que dalle, j'ai des lernis au clash. J'suis un vaurien, spinet d'arien. J'fais des bastons, je suis copon. À cause du social en mort, j'en volais les grand-mères, je piquais au gâteux. Mais on ne fait pas d'omelette, ouais, sans casser du vieux. Mais un jour devant là, la télé d'une vieille bique, j'ai trouvé ma lumière, le patinage artistique. Ouais, c'est vraiment beau. Ah, ça fait rêver. Les ensembles fluo. Les juste t'en prêter. J'ai troqué mes rojos noirs pour faire mon patinoire. Vendu mes soins d'un nourrice pour enfin faire ma guise. La la la, avec Pierre Fulin. La la la, et bon dans l'histoire. Yeah yeah yeah, le Duchesnay. J'attache mon slip, Katharina Hitz. Encore encore, Nelson Montfort. La la la la, accordé l'euro. Lo lo lo, trophée Mico. J'patine à la trop vite, 6-8-6-0. J'suis un patinage. God save the queen, on vole l'idée, oh nice. Nos futurs sont triple loose piqué. L'anarchie, c'est un double axel raté. Je suis un moyen. La double bouche, la fait pas rien. Je fais du patin. Je vais t'en faire un. Ah. Oi, oi, oi, oi, l'idée, oh nice. Ah. It may concern Ragamuffin Rastaman return. Says we all got a lesson to learn. This is the reason that I'm back to my roots. And back to my roots. Yeah. Hey. We took that commercial road, searching for some fame and gold, and gained the whole wide world. We almost lost our souls. Some have said we should have led the way, taken over from Bob Marley. Brainwashed by the system, yeah. What a heavy. the way it was now. Reggae rock, I'm off in the bottom. Vous êtes toujours dans la 125e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter The Lost Battalion de Sabaton, Nicht ist für immer de nouveau Stomper 98. Allez sur la page Facebook de Stomper 98. On a eu ensuite Riot Starter de Cypress Hill. On a écouté ensuite Je suis un vaurien des Fatal Picard. Et on a fini ce bloc en live avec Back to My Roots de Steel Pulse. On continuera cette émission avec une nouveauté, le Control de Disto. C'est sur l'album Nouveau Souffle, apparaître très bientôt. Des nouvelles très vite. On les retrouve sur Facebook, SoundCloud et bientôt les plateformes numériques. On écoutera ensuite No Regrets de Accept. C'est sur l'album de Rise of Chaos, leur 15e album sorti le 4 août 2017. On retrouve Die by Sword, Analog Man et Carry the Weight. On écoutera ensuite Run Baby Run, le nouveau Two Sisters. C'est aussi le titre de leur premier album qui va apparaître vraiment sous peu. On retrouve Remember, Let Me Go, Wake Up. Allez sur la page Facebook de Two Sisters. On les retrouve sur Bandcamp et bientôt sur les plateformes numériques. Et je tenais à remercier Nico pour m'avoir passé l'album un peu en... Oh, j'aurais même pu dire que c'est une exclusivité. On écoutera ensuite Murder for Hire de Body Count. C'est aussi le titre de leur 4e album sorti le 1er août 2006. On retrouve Invincible Gunsta, In My Head et Dirty Bombs. Et on finira ce bloc en live avec un grand classique War No More Trouble en live de Bob Marley. C'est sur le Live Forever sorti le 23 septembre 1980. On retrouve tous les classiques de Bob. Quoi qu'il fasse, elle résiste encore. L'envie de fuir soudain devient si. Last on me.

Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. love international morality, yeah. We're remaining but a fleeting illusion to be pursued, but never attained. Africa, Namibia, in subhuman bondage, have been toppled, utterly downstroyed, where everywhere is war. Vous êtes toujours dans 125e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans notre salon. On vient d'écouter Le Contrôle, le nouveau disto, No Regrets de Accept, Run Baby Run, une nouveauté et en exclusivité de Two Sisters. On a eu ensuite Murder for Hire de Body Count et on a fini ce bloc en live avec War No More Trouble en live de Bob Marley. On continuera cette émission avec The Fugitive, c'est de Wide, c'est sur l'album Wide sorti le 4 novembre 2016. On retrouve Stone, Head and Tails. Wide and Loud. Allez sur la page Facebook de Wide, ils sont sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Your Sovereign en vinyle de Carly Simon. Ah oui, c'est du son culte ça. C'est sur l'album No Secret, sorti le 28 novembre 1972. On retrouve The Wild Thing to Do de Carter Family et It Was So Easy, du son culte. On écoutera ensuite Grazie Governo, c'est une nouveauté, et le groupe s'appelle The Bartol Preaches. C'est un single qui est sorti dernièrement. C'est le label Pirate Press Record qui me l'a fait passer. J'espère avoir plus de nouvelles bien vite. On écoutera ensuite Burning Bridges de Winston McAnuff. C'est sur l'album The Diary of Silencers 1977-2002. C'est un best-of. On retrouve Ed Cornerstone, Malcolm X et Fear, entre autres. C'est pareil, du très très bon son. Et on finira ce bloc en live avec The Bitter End de Placebo. C'est sur l'album Sleeping With Ghost, leur quatrième album sorti le 1er avril 2003. On retrouve English Summer Rain, I'll Be Yours, et sur la version 13 titres, le fameux titre Protège-moi, écrit par Virginie Despentes. And build a wall, slashing the weak and ripping the small. Kill me, there's no other way to stop the slaughter. Crawling through the streets, I'm a prowler. You never catch me, no way. You have to kill me, I'm the future. You never catch me, no way. You'll have to kill me, I'm a fugitive. I'm the fugitive. I'm the fugitive. State troopers after me, rolling guns at the swearing spear. Hiding in the shadows, I can hear their heartbeats. Soon they will be dead, how about me? I'm trapped in theirs, no turning back. They're all preparing for the attack. I stay like fate and turns to black. I will die now, and that's a fact. Kill me, there's no other way to stop the slaughter. Crawling through the streets, I'm a prowler. You'll never catch me, no way. You have to kill me, I'm the fugitive. You'll never catch me, no way. You'll have to kill me, I'm a fugitive. Kill me, I'm the fugitive. You never never catch me. No way he'll ever kill me. I'm a fugitive. I'm the fugitive. Saratoga, and your horse naturally won. Then you flew your

tormented life in a world called with Babson, and she's no roaming town, she's no roaming town. He just walk and pass her by, she just break right down and cry. He just walk and pass her by, she just break right down and cry. In her mind she don't know why, walking gazing in the sky. She don't know the reason why, still she breaks right down and cry. Woman in trouble, burning bridges, in those bridges. I said she cut round two. I think you've all heard this one. Vous êtes toujours dans 125e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter The Fugitive de Wide, Your Survey en vinyle de Carly Simon, Grazie Governo de Bartholz Bridges, Burning Bridges de Winston McAneuf, et on a fini ce bloc en live avec The Bitter Ends de Placebo. On continuera cette émission avec une nouveauté, TV's Grime, le nouveau Psychoid, c'est sur l'album Trash Impact, leur premier album. Sorti le 1er avril 2018, on retrouve True Chatter, Platoon of Death et We Kick Your Ass. Allez sur la page Facebook de Psychoid, ils sont sur Bandcamp et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Qui est la Punk, une nouveauté de Cashmere, c'est sur l'album Qui est la Punk. On retrouve Merci Teacher, qui est la punk, joue avec moi notamment. Allez sur la page Facebook de Cachemire, ils sont sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite une nouveauté et même une exclusivité. C'est le groupe Foxhole et le titre s'appelle Humans I Don't Give a Fuck. C'est sur leur premier EP de Glitters and Napalm qui vient de sortir. Allez sur la page Facebook Les 4 Foxhole. Alors Les 4 en un mot, L-E-K-A-T-R-E, Foxhole. On les retrouve aussi sur YouTube. Un bon groupe installé sur Clermont-Ferrand mais originaire de ma ville du Puy-en-Velay. Et je leur souhaite une bonne carrière. Et on écoutera ensuite une autre nouveauté, À l'envers de ma raison. C'est aussi une exclusivité de Atalanemé. C'est sur l'album Anthropophagie, sorti le 8 avril 2018. On retrouve Misanthropie, Tant pis pour elle, Avoir 40 ans, entre autres. Allez sur la page Facebook de Atalanemé. On retrouve sur YouTube. Un petit like au passage. De toute façon, je filerai le lien sur la page de l'émission. Et on finira ce bloc en live avec A Self-Made Man de UFO, c'est sur l'album Walk on Water, leur 14e album sorti le 14 avril 1995. On retrouve Venus, Running on Empty et Knock Knock. Et cet album a été enregistré en partie au Japon. Dis-le-moi petit. 3 mois de taf pour un blue jean, un salaire pour le paternel, 2 semaines par an à La Rochelle. J'étais heureux, j'étais vivant dans l'innocence et conquérante. Je voulais coucher avec ma grosse, traverser les villes à 130. Oui, petite aussi des noirs, éduqués au son des médias. Sais-tu pourquoi tu pleures ce soir? Le burn-out, ça veut dire quoi? Quand je vois ta gueule maquillée à manifester ta colère, les yeux rivés sur ton plat, t'es plutôt qu'embrasser ta grand-mère. Don't get a fuck. Don't get a fuck. Don't get a fuck. I have really

êtes toujours dans la 125e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Tevis Grimm, le nouveau Psychoïde, Kiela Punk, le nouveau Cashmere, Human, I Don't Give a Fuck, en exclusivité de Foxhole, À l'envers de ma raison, en exclusivité aussi de Atela Némé, et on a fini ce bloc en live avec Self-Made Man de UFO. On continuera cette émission avec Ghetto Blaster, le nouveau Wealthy Hobos. C'est sur leur premier EP Piece of Chic qui est sorti en mars 2018. On retrouve Beat Guzon, Bloom, Ghetto Blaster, Mrs. Jackson et Smoke Alum Down. On les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Requiem pour un démon de OTH. C'est sur l'album Réussite, sorti en 1984, réédité en 2018 en vinyle. On retrouve Euthanasie pour les vieux rockers, Les Araignées ne dorment jamais et Interdit aux chiens du punk classique. On écoutera ensuite Mother Paper de Desmond Dekker. C'est sur l'album This is Desmond Dekker, sorti en 1969. On retrouve Sabotage, Music Like Dirt et Wise Man. On écoutera ensuite Take a Walk de Mr. Big. C'est sur l'album Mr. Big, leur premier album, sorti le 20 juin 1989. On retrouve Wind Me Up, Merciless et Big Love, un classique de chez du hard rock. Et on finira ce bloc en live avec Au nom de la race de Trust. C'est sur l'album Hellfest 2017, Au nom de la race. On retrouve l'archange, Démocratie et Surveille ton look. When I'm out of control, and I don't give a damn about what you think, about what you think, what you say anyway, anyway, yeah. Well, I'm a ghetto blaster, yeah. Well, I'm a ghetto blaster. Well, I'm a ghetto blaster. Well, I'm a ghetto blaster. Just stand and look at your mom. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. We'll be right back. T'as raison Bernie, le racisme c'est de la merde. Vous êtes toujours dans la 125ème Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Ghetto Blaster, le nouveau Wealthy Hobos, Requiem pour un démon de Oteas, Mother Pepper de Desmond Decker, Take a Walk de Mr. Big et on a fini ce bloc en live avec Au nom de la race de Trust. Cette 125ème Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin, je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. On retrouve les podcasts de l'émission sur archive.org. Si vous êtes un groupe, vous voulez diffuser, contactez-moi par la page Facebook de l'émission. On finira cette émission avec Daouda Sané de Tom Sauce et sur l'album Capital sorti en 2015. On retrouve Toy Toy Toy, ils sont venus et Man Boy. J'ai ouï dire qu'il préparait un album affaire à suivre. On le retrouve sur la page Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. À la semaine prochaine, même heure, même endroit sur votre radio favorite. Et surtout, n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes, la tribu! Now that's Solar.